Bé, tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir, il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Bé, tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir, il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Vas-y, donne-moi ta main, que je la dépose sur mon torse. J'ai des idées noires, on est là jusqu'à demain. Yeah. Te penses-tu prête pour un corps à corps? J'espère que t'as de l'endurance parce que cette nuit, interdit de bailler. Pour faire plus vite, tu peux venir en bagne. Et tu vas ouvrir la fenêtre même si il caille. Car t'auras trop chaud, bébé, ce soir que du sale. Tu feras l'amour ce soir. J't'ai dit ce soir. On le fera ce soir. Dans le noir ce soir, on fera l'amour ce soir. Mais je te dis ce soir, yeah. On le fera ce soir, yeah. Dans le noir ce soir. Mais tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Mais tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Baby, baby, viens dans mon lit. Je te promets qu'on passera des moments intenses. Baby, baby, j'aime ton body. Ta cambrure et mes mains sur tes hanches. On ira doucement, rassure-toi. Je sais que tu as envie de moi. Premièrement, déshabille-toi. Que des folies. On fera l'amour ce soir. Je te dis ce soir. Ça sera ce soir. On le fera ce soir. On fera l'amour ce soir. Je te dis ce soir. Ce sera ce soir. On le fera ce soir. Mais tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Mais tu m'as rendu addict. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore. Mais tu m'as rendu addict fou. De toi et de toutes les parties de ton corps. Ce soir il n'y aura que nous. On fera des bêtises et bien plus encore.